إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans l'explication du livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et c'est un livre qui explique en réalité le manhaj des salaf face à la divergence. Et donc on est dans le cours numéro 5 aujourd'hui, et le titre du chapitre qu'on commence c'est Al-Khilaf alladhi qama ad-dalil ala kulli wahid min atrafihi, c'est-à-dire la divergence la catégorie de divergence pour laquelle chacun des deux côtés a établi une preuve à son sujet. C'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie de divergence qu'on appelle l'irtilaf al-tanawur. Et bien, dans cette catégorie de divergence, il y a en réalité une preuve pour chacun des deux côtés qui divergent. Donc, c'est pas vraiment une divergence dans ce cas-là. Il y a deux catégories, comme Ibn Taymiyyah elle explique dans Iqtida Sirat al-Mustaqim. Il y a اختلاف التضاد واختلاف التنوع. اختلاف التضاد, ça veut dire qu'il y a une divergence qui implique une contradiction et une opposition. Quand deux choses sont contradictoires. Ça, c'est un exemple. Et اختلاف التضاد, eh ben, c'est uniquement اختلاف التنوع, c'est juste une catégorie de divergence qui dit que bon, tu peux faire cette chose là ou bien tu peux faire celle là aussi, ou bien des fois c'est une différence d'interprétation mais qui implique pas une contradiction, mais qui implique uniquement par exemple qu'il y a disons des synonymes ou des significations qui se rapprochent l'une de l'autre, et que des salafs ont utilisé par exemple différents termes et différentes interprétations, mais qui se rejoignent toutes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une signification qui se rejoignent les unes les autres. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de divergence vraiment, c'est juste une divergence dans le sens que c'est varié, c'est une question de variation, mais c'est pas une contradiction. Donc on va lire maintenant le texte, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu de quoi il s'agit. On va lire un peu le texte, puis si c'est possible, on donnera quelques exemples à ce sujet. Cheikh il dit, « هذا النوع من الخلاف كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لأنه قد قام الدليل على مشروعية كل واحد منهما ويذم إذا بغي فيه أحد الطرفين على الآخر. وهذا النوع من الاختلاف يسميه العلماء باختلاف التنوع ولا تدافع ولا تدافع ولا مضادة فيه كالاختلاف في صفة الأذان والإقامة وأدعية الاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف والقراءات. Donc le cheikh il dit que cette première catégorie là c'est une catégorie de divergence dans laquelle il y a une preuve pour chacun des personnes qui est dans cette divergence là. Chacun des parties ou chacun des différents côtés ont leur propre preuve à son sujet. Et ils ont tous raison dans ce cas-là, sans aucun doute et sans hésitation. Parce que chacun a une preuve qui indique que ce qu'il fait ou ce qu'il a comme position est correct. Donc on ne peut pas blâmer aucun des deux côtés et on ne peut pas non plus transgresser contre aucun des deux côtés. Si par exemple il y a un des deux qui blâme l'autre parce qu'il suit une des possibilités ou une des preuves dans cette question-là, dans ce cas-là, il a transgressé contre l'autre. Et on va donner des exemples de ça. Le cheikh dit que les savants, ils appellent cette catégorie de divergence-là, ils l'appellent irtilaf tanawur, c'est-à-dire, yani, comme on a dit, une variation qui implique juste qu'il y a une variété de possibilités d'appliquer quelque chose, mais que c'est pas une contradiction qui implique yani qu'il y a une opposition dans les textes et des choses de ce genre. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition non plus là-dedans. Une contradiction, c'est quand tu dis que par exemple deux choses opposées et contradictoires peuvent être vraies en même temps. Ça c'est quelque chose qui est impossible. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. Comme par exemple, si quelqu'un dit aujourd'hui, en ce moment, je suis en France, et quelqu'un dirait par exemple que je suis au Canada en même temps, ça c'est impossible. C'est deux informations, mais des informations qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Et les deux informations contradictoires, ces deux informations contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. D'accord? Donc ça c'est un exemple de ikhtilaf at-tanawwu. Mais les divergences dont on parle là, ikhtilaf at-tadad, ça c'est la divergence de contradiction, la divergence de variation ou de différentes possibilités d'application. Ça c'est les exemples que le cheikh il donne à ce sujet là, c'est comme les différentes descriptions du adhan. On retrouve dans la sunna différentes formes de azan qui ont été rapportées authentiquement par les sahaba. Donc, à ce sujet-là, si quelqu'un, par exemple, fait le azan selon une des formes qui a été rapportée dans les hadiths authentiques, dans ce cas-là, on ne peut pas le blâmer du fait qu'il a fait le azan d'une autre façon, si c'est en accord avec la description qui est mentionnée dans le hadith qui est authentique. Al-Iqama, la même chose aussi pour l'appel lorsqu'on appelle à dire que la prière est commencée, hein, Al-Iqama, et bien ça aussi il y a différentes formes qui ont été rapportées dans les hadiths authentiques. Ad'iyatul istiftah, dans les du'as que tu fais lorsque tu commences la prière. Donc il y a différentes formes de du'as qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débutait sa prière par différentes formules de dua après avoir fait le takbir. Hein, comme on sait par exemple, on fait le takbir, on dit Allahu Akbar, après on dit Subhanakallahu bihamdik, wa tabarak ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Ça c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais aussi il disait d'autres formes de dua quand il commençait la salat. Donc, on a le choix, c'est ça que ça veut dire. On a le choix de choisir le dua istiftah qu'on veut. Et il y a aussi des différences dans les tashahudat. Tashahudat, c'est-à-dire, quand on termine la salat, il y a le tashahud qu'on fait après les deux premières rakat et après les dernières rakat qu'on fait à la fin. Il y a toujours, à la fin, quand on s'assoit, un tashahud qu'on fait. Mais il y a différentes narrations ou différentes versions du tashahhud qui ont été rapportées par les sahaba. Et donc, on peut faire celle qu'on veut. En réalité, on peut pas, disons, dire que si quelqu'un fait une autre forme de tashahhud qui a été rapportée de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut pas dire dans ce cas-là que la personne qui le fait est blâmée de le faire, puisque c'est quelque chose qui est rapporté authentiquement. La même chose pour Salat al-Khawf. La prière de la crainte, elle a été rapportée dans les hadiths de différentes façons. D'accord? Donc ça indique que on a différents choix pour savoir comment la faire. Il y a différentes façons de la faire. Donc c'est pour dire que si quelqu'un faisait Salat al-Khawf d'une façon, on pourrait pas le blâmer si, tant qu'il se base sur les exemples qui ont été rapportés de façon authentique. Et il y a la même chose en ce qui concerne les qira'at, les différentes lectures qui ont été rapportées authentiquement en ce qui concerne les récitations du Coran. Donc tout ça, c'est des exemples de ikhtilaf, mais c'est des formes d'ikhtilaf qui sont ikhtilaf at-tanawwu', c'est-à-dire des divergences qui sont en fait des variations qui ont été rapportées de façon authentique et qui indiquent que quelqu'un a le choix dans la façon dont il va le faire. Tant qu'il se limite aux preuves et aux textes, ça veut dire qu'il a le choix de différentes versions ou différentes options pour faire cette même adoration là et cette même chose là. Donc ça, c'est pas vraiment des divergences comme on a dit. C'est seulement des divergences en apparence. Toutefois, qu'est-ce qu'on remarque de la part de certains parmi les Mubtadi'a et certains Hizbiyin, c'est qu'ils mettent toutes les divergences dans cette catégorie-là parfois. Et ils agissent comme si toutes les divergences entraient dans cette catégorie de divergences. Comme si ils agissent comme si toutes les différences qui existent entre les ulama sont des formes d'irtilaf tanawwu', comme si on avait le choix et comme si c'était une option de choisir celle qu'on veut dans tous les cas. Et ça, bien entendu, c'est une erreur, hein, parce qu'il y a des divergences qui impliquent une contradiction et on peut pas traiter les divergences qui impliquent une contradiction de la même façon que la divergence qui est une variation qui est supportée par des preuves authentiques et qui indique yani qu'on a le choix entre différentes choses. Donc ça, c'est le malheur en fait de notre époque. Quand quelqu'un parle aux musulmans, puis il essaie de justifier quelque chose, soit de rendre haram qu'est-ce qui est halal, ou de rendre halal ce qui est haram, il essaie de chercher une opinion qui est singulière parmi les opinions des savants, une opinion qui est en dehors des autres, qui va rendre halal ce qu'il veut, ou bien qui va rendre haram ce qu'il veut, contrairement aux autres textes qui sont clairs, et qui se base parfois même sur des choses qui sont juste des ijtihadat, des ulama qui sont souvent, parfois il y a des ijtihads que certains ont fait parmi les ulama, et ce sont des ijtihads qui sont erronés, qui sont incorrects, et ils les prennent comme des preuves ou des références pour supporter leur position. Et puis ils disent, bon, étant donné qu'il y a un savant, il y a au moins un savant qui l'a dit, donc dans ce cas-là, ça prouve que on peut le faire et on a le droit de le faire puisqu'il y a un savant qui l'a dit. On va voir au fur et à mesure de ce livre que cette attitude-là, c'est pas la bonne attitude à prendre et c'est pas ça le manhaj des salaf face à la divergence. D'accord? Donc, c'est comme si on peut pas juste faire un pile ou face pour décider qu'est-ce qu'on va faire ou non. Dans les cas de contradiction, il faut vraiment analyser les choses pour essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Donc le Cheikh dit wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qara'a ayatan sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u khilafaha fa akhadhtu bi yadihi fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa dhakartu dhalika lahu fa'araftu fi wajhihi al-karaha qala كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا Donc le cheikh il mentionne ici les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il a dit qu'il a entendu un homme réciter un verset dans le Coran. Et il l'a entendu le réciter d'une façon différente que la façon qu'il avait, de la façon qu'il l'avait entendu réciter par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a pris cet homme par sa main et il l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a mentionné donc qu'est-ce qu'il avait entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, Ibn Mas'ud il dit j'ai reconnu dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait pas aimé ça, hein, qu'il n'avait pas aimé cette divergence entre nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « Vous avez tous les deux bien récité. Ne divergez pas parce que ceux qui étaient là avant vous, ils ont divergé et à cause de ça, ils ont péri. Hein? » Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et le numéro du hadith c'est 2410 pour celui qui veut retourner au Sahih al-Bukhari. Donc ça c'est pour nous indiquer qu'il y a certaines catégories de divergences qui font partie des divergences qui sont des variations mais qui sont toutes correctes et qui sont supportées par des preuves. D'accord? Donc il ne faut pas, au sujet de ce genre de divergences là, il ne faut pas faire des disputes et des argumentations entre nous, hein, sur ces choses là. Tant qu'il y a la possibilité de qu'il y ait différentes façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas supporté par différentes preuves, dans ce cas-là, on ne peut pas le faire. Et pour vous donner un exemple, c'est comme par exemple la différence que les gens ont, par exemple, par rapport aux positions dans lesquelles ils placent leurs mains dans la prière. Ok, ça c'est pas un exemple de ikhtilaf al-tanawwu. Il y en a qui pourraient penser que bon, il y a différents ulama qui ont dit par exemple de placer nos mains dans la prière de différentes façons, et ça c'est une différence d'option soi-disant dans la façon de pratiquer ou de placer nos mains dans la salat. Mais c'est pas le cas, puisque il y a la position qui est rapportée dans les hadiths authentiques, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, lorsqu'il était debout, il mettait sa main droite sur sa main gauche dans la salat et il la plaçait sur sa poitrine. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été rapporté dans le hadith authentique à ce sujet-là. Maintenant on a les ahnaf du madhab hanafi qui placent leurs mains sous le nombril dans la prière et ils se basent sur un hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et ce hadith-là, il est daïf, il n'est pas authentique. En ce qui concerne Al-Maliki, il y a ceux qui disent, par exemple, que on doit placer nos mains du côté du corps, sur le côté du corps pendant qu'on est debout dans la salat, lorsqu'on récite, et ben ça, c'est pas non plus supporté par aucun hadith authentique à ce sujet-là. Et on retrouve même que l'imam Malik lui-même, rahimahullah, dans Al-Muwatta, Quand il parle de ce sujet-là, il cite lui-même dans son livre Al-Muwatta, il marque le titre du chapitre de placer la main droite sur la main gauche dans la salat. Et il rapporte également les hadiths authentiques à ce sujet-là dans Al-Muwatta. Donc ça indique que ça c'est la position de l'imam Malik, d'accord. Et les gens qui amènent les paroles qui disent que l'imam Malik il priait les mains sur le côté, eh ben il y a des explications qui ont été ramenées à ce sujet-là par les ulama, et c'est en fait que l'imam Malik, certains disent qu'il avait été battu ou torturé à une certaine époque et que à cause de ça il avait mal au bras et donc il priait les bras sur le côté du corps parce qu'il n'était pas capable de les plier. D'accord. Et certaines personnes ont peut-être pas pris ça en considération, puis ils se sont imaginés que par la suite c'était yani basé sur la sunna. Mais pourtant quand on retourne à son livre Al-Muwatta, on trouve que c'est pas le cas, yani il n'a pas indiqué ça de cette façon-là. Donc ensuite on a terminé donc avec ce chapitre et le cheikh donc c'est juste pour dire qu'il faut faire une distinction entre qu'est-ce qui est ikhtilaf tanawwu, quand c'est basé sur des preuves qui sont claires et authentiques et qui nous indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé le choix. Toutefois, il y a d'autres cas où c'est pas une question de choix, c'est pas des preuves authentiques. Parfois, c'est des hadiths qui sont daïf. Parfois, c'est une opinion qu'un savant a décidé par rapport à un qiyas qu'il a fait, mais son qiyas, il a fait une erreur dedans, ou il s'est basé sur des références qui sont pas authentiques, ou des choses de ce genre. Donc, il faut donc faire attention et pas penser que chaque fois qu'un savant a une position, que ça veut automatiquement dire que on a le choix et on a la possibilité de prendre cette opinion-là parmi les autres. C'est pas comme un bazar où on choisit ce qu'on veut et on laisse ce qu'on veut selon nos passions et nos désirs, ou selon, comme certains disent, selon le contexte, hein, selon le contexte de la société. Hein. Si on a besoin de parce qu'on veut s'établir chez les koufars, on a besoin de chercher à faire des compromis. Donc on va chercher parmi les paroles des savants les positions qui sont le plus en accord avec nos passions et plus en accord avec la passion des occidentaux. Donc on va chercher parmi les opinions des fuqaha et des ulama les positions qui sont contradictoires pour essayer de savoir justement qu'est-ce qu'on peut choisir parmi ces opinions-là. Et ça, c'est une attitude vraiment malhonnête dans la façon dont certaines personnes agissent. Le cheikh dit « Al-haqqu 'inda Allahi wahidun wa ma'adahu fa khata ». L'autre chapitre qui suit, c'est « La vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une seule, elle est une seule, elle est unique. Et ce qui est en dehors de cette vérité-là, c'est l'erreur. » Donc ça, c'est un principe important à comprendre qui est supporté par le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que dans le cas où il y a des contradictions, la vérité est une vérité unique. Et qu'est-ce qui est en dehors de cette vérité-là? Eh bien, c'est une erreur. D'accord? Et ça, c'est quelque chose à notre époque actuellement. On vit dans l'époque, vous savez, les gens, ils ont été influencés par des idées de démocratie, puis de liberté d'opinion, puis de liberté de pensée. Donc, c'est devenu quelque chose maintenant qui a... Moi, quand j'étais plus jeune, je sais que c'était très répandu ici dans la société, même chez les jeunes. Chaque fois qu'on parlait avec quelqu'un, la personne nous répondait « Oui, mais ça c'est ton opinion. Moi j'ai mon opinion. » C'est-à-dire, tu rapportes à la personne des faits et des choses qui sont vraies et vérifiables, puis la personne te répond « Non, c'est ton opinion. » D'accord? Puis comme c'est en voulant dire que on n'est pas obligé d'accepter qu'est-ce qui est vrai. C'est une opinion parmi d'autres. Et il n'y a pas de vérité. Tout le monde a sa propre vérité. Il y a une vérité pour toi, il y a une vérité pour moi, il y a une vérité pour lui. Hein? Puis s'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la Terre, eh bien chacun de ces 6 milliards, il a sa vérité à lui. Hein? Bien entendu, ça c'est absurde. Et ça c'est une forme de relativisme que certains koufars ont propagé, Yanni. Et c'est cette idée-là qui est répandue maintenant à l'époque actuelle, cette idée de relativisme que tout le monde a sa propre vérité, tout le monde a sa propre raison, puis comme s'il n'y avait aucune chose qui pourrait nous ramener sur une vérité ou à nous ramener à vérifier quelque chose pour savoir si elle est vraie ou fausse. Hein, c'est comme un peu comme l'attitude de certains, par exemple, parmi les journalistes. Hein, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai justement eu des échanges avec certains journalistes justement qui écrivent des articles dans les journaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent un article et puis ils citent les paroles d'une personne qui affirme quelque chose, mais au lieu de garder l'article en se basant sur le commentaire d'une seule personne ou le commentaire d'une personne en particulier et de vérifier cette information-là ou cette parole, ils vont aller voir d'autres personnes qui pensent autrement, qui ont d'autres opinions, et ils vont citer des opinions contradictoires dans le même article. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont jamais mentionner lesquelles de ces citations, de ces paroles contradictoires est vraie. Donc ça, c'est une attitude qu'on remarque chez les journalistes parfois. Et ça, c'est c'est, moi je considère que ça, ça fait en sorte qu'il y a plus de confusion dans l'esprit des gens quand on leur présente des informations contradictoires, puis qu'on ne leur explique pas par la suite qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Hein, c'est comme par exemple, un article, ils vont parler d'une question sur le hijab. Donc ils vont donner la parole à un imam ou bien un représentant d'une association musulmane qui dit « Ouais, le hijab, c'est pas obligatoire dans l'islam. » Après, ils vont aller voir un autre imam ou un autre représentant qui dit « Non, le hijab, c'est obligatoire. » Et puis, ils vont citer, par exemple, d'autres personnes. Et après ça, ils vont laisser l'article comme ça à la fin. Ils vont dire « Bon, vous voyez, il y a des divergences entre eux, ils sont pas d'accord. » Puis là, ça finit comme ça. Mais ils vont pas retourner au texte et aux références et aux preuves et aux analyses et aux paroles des ulama pour vérifier lesquelles de ces affirmations-là sont vraies. Parce que ce sont deux affirmations contradictoires, les deux ne peuvent pas être vraies en même temps. Donc, ils n'ont pas, bien entendu, la patience et le courage qui est nécessaire pour faire toutes ces recherches-là. Hein, ils veulent pas se casser la tête, comme on dit. Donc, ils veulent juste écrire un article et puis émettre les avis contradictoires. Ils peuvent demander même des fois à n'importe qui au coin de la rue, hein, n'importe quelle personne qui passe au coin de la rue, qu'est-ce que tu penses toi là-dessus? Et puis la personne va dire son point de vue, même si elle connaît rien du tout. Hein. Et ça, c'est l'attitude parfois qu'ils ont. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que cette mentalité-là, elle est maintenant répandue dans la population, elle est répandue dans la société, elle est répandue dans les médias, et c'est cette attitude-là qui est partout maintenant aujourd'hui. Même on retrouve, même dans les pays arabes, cette opinion-là, elle est répandue également, et il y a même des chaînes de télévision qui font la promotion de ce genre de mentalité-là dans les pays arabes aujourd'hui. Dans les chaînes satellites, j'ai vu même moi-même une émission une fois, j'étais parti dans un petit restaurant, et puis j'ai trouvé une émission qui passait, je sais pas si c'était Al Jazeera ou quelque chose comme ça, et puis il y avait une émission qui s'appelait Ar-Ra'yu wa-Ra'yu al-Akhar, hein, l'opinion et l'opinion de l'autre. Donc c'est pour dire que il y a toujours des opinions différentes, et il y en a qui appliquent ça même à la religion maintenant. Donc c'est rendu que même dans la question de religion, chacun peut avoir son opinion personnelle, chacun peut penser comme il veut, hein, et ils appliquent la liberté d'opinion et la liberté de croyance dans les questions religieuses. Et c'est comme si chaque musulman avait le droit ou pouvait interpréter l'islam à sa propre façon, selon ses propres pensées à lui, selon ses propres idées, et qu'on était libre là-dedans. Et ça, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'on appelle az-zandaqa, yani, par rapport à l'opinion de ces gens-là, c'est quelque chose de très dangereux et très grave. Donc, le cheikh, il dit ici, les preuves à ce sujet-là, que la vérité, elle est unique, et que qu'est-ce qui est en dehors de la vérité, c'est l'erreur. Il mentionne les preuves à ce sujet. Il dit, « وَهَدَ الْأَصْلِ تَضَافَرَتْ » الأدلة عليه من الكتاب والسنة وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Il dit les preuves à ce sujet-là sont très très très nombreuses et sont toutes elles se complètent toutes les unes les autres dans le Coran, dans la Sunna et dans l'attitude et dans la pratique des Sahaba رضي الله عنهم أجمعين. Donc premièrement il mentionne les preuves du Coran. Parmi les preuves du Coran, il dit adillatul Coran, qala ta'ala famadha ba'da al-haqq illa al-dalal. Ça c'est le verset 32 dans sourate Yunus. Famadha ba'da al-haqq illa al-dalal, c'est juste une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est courte mais qui a une grande signification. Quelqu'un pourrait dire ouais, c'est quelques mots. Oui, mais c'est quelques mots qui ont une signification énorme, et ça indique que tout ce qui est en dehors de la vérité, c'est l'égarement. Hein? Donc, c'est dans le verset 32, dans Sourate Yunus. C'est-à-dire, فَذَلِكُمُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Votre Seigneur en vérité. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Donc ça c'est la parole qui est dans le Coran à ce sujet-là. Et maintenant on va lire le tafsir à ce sujet-là, qu'est-ce qui a été dit par les savants. Le cheikh il rapporte dans le tafsir de l'imam al-Qurtubi, al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, il dit... حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي مسائل الأصول فإن الحق فيها في طرف واحد وقد يقول قائل إن ظاهر الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال لأن أولها فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فلماذا هذا التوسع في هذا في الاستدلال فالجواب إن سلفنا الصالح قد استدلوا بعموم هذه الآية على كل باطل فاستدل بها الإمام مالك على تحريم الشطرنج كما في رواية أشهب ووجه ذلك أن الكفر تغطية للحق وكل ما كان من غير الحق يجري هذا المجرى. Donc le cheikh ici il dit que l'imam al-Qurtubi il a dit que ce verset là il décrète en fait qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de autre chose après la vérité sauf le mensonge, c'est-à-dire entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas un niveau, un troisième niveau. Il n'y a pas une partie ou une étape qui serait intermédiaire entre la vérité et le faux. Il y a soit la vérité et soit l'égarement. Il n'y a pas une partie ou une chose entre les deux qui serait un mélange des deux. D'accord? C'est soit que c'est vrai ou soit que c'est faux. Et donc, ça c'est dans ce sujet-là en particulier, c'est-à-dire au sujet de Tawhid, hein, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit que c'est également vrai dans les choses qui sont qui ressemblent à cette question-là, qui ressemblent au Tawhid ou qui ont des liens avec les questions qui sont reliées au fondement de la religion. Parce que dans ces questions-là, si c'est quelque chose qui est relié avec des principes et des fondements, c'est soit que c'est vrai ou soit que c'est faux. Il ne peut pas y avoir une position intermédiaire, d'accord? Et donc ça c'est pour dire que la vérité dans des questions pareilles ne peut être qu'une seule et unique vérité. Après le cheikh il dit وَقَدْ يَقُولُ قَائِلُ. Donc une personne pourrait poser la question suivante. En apparence, quand on regarde dans ce verset-là, verset 32, dans Sourate Yunus, on voit que ça indique qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien d'autre que l'égarement. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que le début du verset, ça dit, et voilà donc, voici donc votre Seigneur, le véridique, hein, le Seigneur, le vrai Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc après l'égarement, après la vérité, excepté l'égarement? Donc, pourquoi, si le verset parle à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors pourquoi élargir donc la façon dont on l'utilise pour se référer, l'utiliser comme preuve pour les autres questions qui sont en dehors du tawhid, ou bien qui n'ont pas un rapport direct avec la question d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il répond à ça en disant que, ça c'est l'imam al-Qurtubi qui répond dans son tafsir, ou bien plutôt, ça c'est aussi dans, vous pouvez voir dans Ahkam al-Qur'an de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, il dit que la réponse à ça c'est que nos salaf salih, ils se sont basés sur le sens général de ce verset-là pour l'appliquer à tout ce qui est faux en général. Donc pas uniquement à la question qui a rapport avec le tawhid. Il l'a appliqué dans son sens à tout ce qui est faux en général. Et même que l'imam Malik, rahimahullah, il a utilisé ce verset-là pour, comme preuve de l'interdiction du jeu des échecs. Et c'est rapporté selon une narration de Ashhab. Et la preuve, ou le point qu'il a tiré de cette preuve-là, ou de ce verset-là, c'est que le kufr, c'est qu'est-ce qui recouvre la vérité. Et tout ce qui est en dehors de la vérité rentre dans coule dans cette branche-là, ou rentre dans cette catégorie-là. Donc le kufr, c'est ce qui cache la vérité, ou c'est ce qui recouvre la vérité. Et donc tout ce qui est en dehors de qu'est-ce qui est vrai, alors ça rentre dans ce qui est faux également. Et ce qui est mauvais, donc. Ça, c'est un exemple. Après, le Cheikh, il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَقَالَ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Le Cheikh, il dit, hein, donc ça nous indique que les divergences par rapport aux questions de Tawhid, c'est des questions qui n'acceptent pas la divergence. Il ne peut pas y avoir de divergence dans les questions de Tawhid, dans les questions de fondement de la religion. S'il y a une divergence, ça indique quoi? Ça indique qu'il y a quelqu'un qui est sur Haqq et il y a quelqu'un qui est sur le Batil. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui divergent sur des fondements et que les deux soient sur la vérité en même temps. D'accord? Ça, c'est impossible. Et c'est contradictoire, c'est donc impossible d'accepter une contradiction pareille. Le Cheikh, il dit ensuite, donc, les deux versets qu'il a cités, c'est le verset 105 dans Surat Al-Imran et le verset 103. Ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Et il mentionne l'autre verset également qui dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne divergez pas. Donc ça, c'est l'ordre de s'unir et de rester ensemble et l'interdiction de nous diverger, de nous diviser et de diverger entre nous. Ensuite, il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui parle de ce sujet-là. Il dit, قال الإمام ابن القيم رحمه الله الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ ولو كانت تلك الأقوال كلها صواب لم ينهى الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه. Le Cheikh, il mentionne un point, l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne un point qui est un point vraiment intéressant, qui est fort aussi à ce sujet-là. Il dit que, ça c'est dans Mukhtasar al-Sawa'iq, Sawa'iq al-Mursala, il dit dans ce livre-là que ces versets-là qu'on vient de lire dans Surat al-Imran sont des versets qui viennent interdire la divergence dans la religion. Et elles impliquent donc que la divergence, elle est blâmable. C'est quelque chose de blâmable. Et, kulluha shahadatun sarihatun, elles sont toutes des témoins clairs, et précis et explicites qui montrent que la vérité est unique. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité, elle est unique. Et tout ce qui est en dehors de la vérité, alors c'est une erreur et c'est faux. Hein? Et donc, le Cheikh, il conclut, et c'est là le point de son argument, si toutes ces paroles divergentes entre les hommes par rapport à la religion et la croyance, si elles étaient toutes bonnes et correctes, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas interdit la divergence et la division, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Si toutes ces paroles et ces positions et ces opinions entre les différents groupes, les différentes sectes, seraient toutes bonnes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas interdit, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas interdit la divergence, et il n'aurait pas blâmé non plus. Hein? Il n'aurait pas blâmé le fait de ne pas suivre ce qui est vrai. Hein? Donc ça c'est une réponse et une réfutation à tous ceux qui veulent défendre la liberté de croyance, ou bien qui veulent essayer de dire que tout le monde a le choix de choisir dans ce qu'il veut dans les croyances, et que quelqu'un a le droit de suivre ce qui est faux, quelqu'un a la possibilité. Si quelqu'un disait qu'il a le droit de suivre ce qui est faux, ce serait quand même, disons, pas compréhensible, mais je veux dire, ce serait déjà quelque chose de grave, mais ce serait quand même moins pire que de dire qu'il n'y a pas de vérité, que tout le monde a raison. Ça, c'est encore pire. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, t'as le droit de suivre l'erreur si tu veux. Et bien entendu, celui qui veut suivre l'erreur et qui le suit volontairement et consciemment et librement, en toute connaissance de cause, mais celui-là, bien entendu, c'est un égaré, parce qu'il choisit d'être égaré volontairement après avoir eu la connaissance. Mais celui qui sait que ce qu'il suit est égarement, et qui, au lieu de revenir à la vérité, il dit non, il n'y a pas de vérité, tout le monde a raison, malgré que les croyances et les positions qu'ils ont sont des croyances qui sont en contradiction l'une avec l'autre, alors ça indique que c'est une personne qui ne réfléchit pas en réalité. Et ça me fait penser justement à la mosquée où je suis allé prier hier, le Jumu'ah. Il y avait l'imam qui a fait une khutbah, Allah al-Musta'an, et il a parlé justement la façon dont il parle, on voit qu'il essaie d'amadouer les rafida, les shi'a, parce que ces gens-là, les ikhwan et certaines associations ici, qui suivent cette tendance des ikhwan ici, ils essaient de nier les divergences qui existent entre les rafida et Ahlus Sunnah. Et donc ils essaient de soi-disant faire des rapprochements entre les Rafida et Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné que c'était Ashura dernièrement, on a passé par Ashura, et que les Shia pour eux, Ashura c'est une autre signification. Hein, ils célèbrent ça par rapport au meurtre de Uthman. Hein, donc, radiallahu anhu. Donc, il a parlé des hadiths qui montraient le bien par rapport à Ahlul Bayt, dans le sens que des hadiths qui montrent que c'est obligatoire pour nous d'aimer Ahlul Bayt, d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de leur montrer un respect. Hein. Et ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de doute pour tous les musulmans de Ahlul Sunnah qu'on aime Ahlul Bayt et qu'on les respecte, hein, et qu'on leur doit le respect. Et que celui qui les déteste, hein, celui qui déteste Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima, radiyallahu anhum ajma'in, ainsi que les croyants parmi Ahlul Bayt, il n'y a pas de doute que celui qui les déteste, il n'est pas un croyant. Et celui qui les aime, c'est un signe qu'il est un croyant. Ça fait partie de nos croyances, en tant que musulmans, en tant que les gens faisant partie de Ahlul Sunnah wal Jama'ah, en tant que personnes qui suivent la croyance des Salaf Salih, hein, sur la voie des Sahaba. Il n'y a pas de doute que on doit croire en ça, et on doit respecter les gens d'Ahlul Bayt. Mais, en même temps, de ne pas mentionner la vérité au sujet des Rafida, et de leur intransigeance, de leur manque de respect, de leur mécréance, et de leur insulte par rapport au fait qu'ils insultent les Sahaba en entier, et qu'ils déclarent que Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum, sont des kuffars, et qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Ahlul Bayt, et qu'ils vont à leur tombe et qu'ils les invoquent et leur demandent l'intercession, et ils les prennent comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils exagèrent et transgressent, hein, au sujet des morts et des saints et des gens qui font partie d'Ahlul Bayt, et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, il n'a rien mentionné à ce sujet-là. Il n'a pas mentionné non plus leur insulte au sujet des Sahaba et comment ils n'ont pas de respect pour les Sahaba. Donc, d'essayer d'amadouer les Rafida de cette façon et de soi-disant les rapprocher d'Ahlul Sunnah, on voit que ça c'est l'attitude des égarés parmi les ikhwan et ceux qui suivent cette tendance, qui cachent la vérité au sujet de ces gens-là. Et ils essaient de faire comprendre aux musulmans qu'on peut croire en ce qu'on veut, on peut être un rafidi ou un sunni et que les deux sont équivalents et pareils. A'udhu billah. Donc ça c'est un exemple de cet égarement-là de leur part. Que quelqu'un peut être un rafidi et qu'il est quand même sur le droit chemin. Et donc la vérité est multiple pour eux. Deux choses contradictoires peuvent être acceptées. Et ça, c'est l'égarement. Et ils ont des ruses, en fait, pour essayer de faire accepter ça aux musulmans. Ils disent, ben, ceux qui insultent les sahaba, c'est juste les extrémistes. Hein, les autres ne sont pas comme ça. La réalité, c'est que la majorité des shi'as, c'est la secte des Ethna Ashriya, des 12 imams, qu'on appelle aussi Ja'fariya, Imamiya. Hein. Ceux-là, c'est la majorité des Rafida. C'est la majorité des Shi'as sont des Rafida. Ithna Ashriya, Imamiya, Ja'fariya, ça c'est des différents noms pour la même secte. Hein, ceux qui sont en Iran, puis au Liban, hein, ceux qui s'appellent eux-mêmes Hezbollah alors qu'ils ne sont pas Hezbollah, alors qu'ils sont Hezbo Shaitan, hein, et que les Hezbiyins défendent aujourd'hui chaque fois qu'il y a des problèmes en Palestine. Ils se mettent de leur côté sans même savoir leur Aqidah. Hein, et que leur aqidah c'est une aqidah de kufr, hein, parce qu'ils adorent d'autres en dehors d'Allah et qu'ils insultent les sahaba et qu'ils ont des idées encore plus graves que ça, pas plus graves que ça, mais qui sont aussi graves que ça parmi les croyances qu'ils ont. Donc ça c'est des exemples, mais ils disent que ça c'est des extrémistes, alors que ce sont eux la majorité des rafidah, des shi'as. Les Rafidah, c'est la secte la plus importante parmi les sectes des Shia. Et en dehors des Zaydiyah, toutes les autres sectes parmi les Shia sont des sectes qui sont pires que celles des Rafidah. Si tu parles des Ismailiyah et des autres sectes des Shia sont pires que les Rafidah. Ces sectes-là, même les Rafidah eux-mêmes, ils les déclarent kuffar parfois. Donc si tu penses que, si on prétend que cette secte-là, les Rafidah sont pas des extrémistes, alors je sais pas c'est quoi l'extrémisme. Et les Zaydiyah, bien entendu, ils sont pas, ils insultent pas Abu Bakr et Omar, mais demandez, allez voir qu'est-ce que Cheikh Mukbil a dit à leur sujet au Yémen, hein, et vous allez savoir la réalité au sujet des Zaydiyah, hein. Parce qu'il a vécu avec les Zaydiyah, il connaît les Zaydiyah, et il va vous dire, lui, Cheikh Mukbil, et les autres shuyukh qui sont là-bas, Cheikh Yahya, Al-Hajouri et les autres mashayikh, allez leur demander qu'est-ce qui se passe dans l'aqidah des Zaydiyah, et vous allez savoir. Ça c'est sans parler du fait qu'ils sont mu'tazila dans leur aqidah au sujet des noms et des attributs d'Allah, et qu'ils sont des qadariyah dans la question de qadar, ils nient al-qadar, et beaucoup d'autres erreurs qu'ils ont aussi dans leur aqidah. Donc ça c'est juste pour vous montrer comment certains musulmans, quand ils rentrent dans la hezbiya, ils commencent à essayer de défendre des choses fausses, soi-disant pour unir les musulmans ou au nom de l'unité, mais on peut pas s'unir au prix de notre aqidah, hein. On peut pas faire des compromis à ce sujet-là. Le cheikh dit, dans le troisième exemple qu'il mentionne, dans l'épreuve du Coran qu'il a cité, il dit, قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. C'est un verset dans sourate An-Nisa, le verset 82. Il dit, et si il venait d'autre que d'Allah, si ça venait d'autre que Allah, ils auraient trouvé beaucoup de divergences dedans. Donc ça, c'est un verset dans le Coran qui parle à propos du Coran. فلا يتدبرون القرآن. N'ont-ils pas médité sur le Coran? Et s'ils venaient d'autres que Allah, ils auraient trouvé dedans beaucoup de contradictions, beaucoup de divergences. Et donc, il mentionne les paroles de Ibn al-Qayyim à ce sujet-là. Il dit, قال l'imam Ibn al-Qayyim أيضاً, فقد أخبر سبحانه أن الاختلاف ليس من عنده. وما لم يكن من عنده فليس بالصواب. Le sheikh, il mentionne, ça c'est tiré de As-Sawa'iq al-Mursala aussi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que la divergence ne vient pas de lui. Et que si ça ne vient pas de lui, donc ce n'est pas la vérité, ce n'est pas correct. D'accord ? Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc si vous trouvez dans quelque chose qu'il y a des divergences à son sujet, ben c'est certain que il y en a une chose dans cette divergence-là, il y a la vérité, il y a le faux. Et il faut donc distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que ce qui est faux, ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ce qui vient d'Allah, c'est uniquement ce qui est vrai, la vérité. Ensuite, le cheikh il dit le quatrième argument, وقال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Le cheikh il mentionne le verset 78 et 79 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne une question au sujet de laquelle Daoud et son fils Sulayman ont jugé. C'était au sujet de certains moutons, yani des gens avaient une divergence entre eux à ce sujet-là. Donc on va retourner au verset dans Sourate Al-Anbiya pour voir le tafsir de ce verset-là. David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé ou des moutons appartenant à une peuplade, étaient allés paître durant la nuit. Et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Donc ça c'est l'exemple au sujet de ce verset-là qui est mentionné. Puis il y a une note en bas dans la traduction qui dit, on dit que David avait décrété que le troupeau deviendrait propriété de celui dont il avait ravagé le champ. Mais Salomon conseilla que le troupeau soit provisoirement confié au propriétaire du champ à titre d'usufruit, et que le coupable y règle le champ jusqu'à ce qu'il revienne comme il était auparavant. Ce n'est qu'alors qu'il pourra reprendre son troupeau. Donc ça, c'était la divergence qui était apparue entre des personnes à ce sujet-là. Et Daoud, il avait fait un jugement, tandis que Sulayman, il a fait un autre jugement qui était différent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fafahamnaha Sulayman ». C'est-à-dire, nous avons donné la compréhension de cette question-là à Sulayman. Hein? Et le cheikh il mentionne maintenant les paroles de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit فهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله عنهم للمصيب منهم أجران وللمخطي فيهم أجر واحد وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم قول غيره ولا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم قول غيره ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة لا سيما إن كانت شنيعة. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit Ibn Taymiyyah ici que ces deux prophètes sont des nobles prophètes et tous les deux ils ont émis un jugement au sujet de la même question et toutefois Allah subhanahu wa ta'ala en a donné uniquement la compréhension à un des deux seulement. Il a fait que uniquement un de ces deux prophètes-là comprenne la question. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les deux. Hein? Il a dit que aux deux, il avait donné hukman wa ilma. Hein? Donc il les a donné à tous les deux la sagesse et la connaissance. et le jugement et la connaissance. Donc ça c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala glorifie les deux, malgré que celui qui avait eu la position ou la réponse qui était correcte, c'était Sulayman seulement. Donc le cheikh il dit c'est la même chose pour les ulama, les mujtahidoun. Il y en a parmi les ulama qui font l'ijtihad, il y en a qui ont raison, qui ont la bonne position, et ceux-là ils ont deux récompenses. Toutefois, celui qui parmi les mujtahidin fait une ijtihad et qu'il se trompe dans son ijtihad, alors il n'a qu'une seule récompense au lieu de deux. Donc c'est-à-dire que tous les deux ils ont une récompense, au minimum ils ont une récompense. Sauf que celui qui a une bonne réponse, il en a deux. Tandis que celui qui a une mauvaise réponse, il n'en a qu'une. Donc ça c'est pour dire que tous les deux sont glorifiés dans le sens qu'ils ont fait un effort pour avoir cherché la vérité. Mais seulement celui qui a atteint la vérité, c'est lui vraiment qui a droit à la récompense complète. D'accord ? وَكُلٌّ بِحَسَبِ كُلٌّ مِنْهُمْ مُطِيعٌ لِلَّهِ بحسب استطاعته. Parce que chacun des deux mujtahid qui fait l'ijtihad, que ce soit celui qui a la bonne réponse ou celui qui se trompe, tous les deux obéissent à Allah selon le niveau de sa capacité. C'est-à-dire celui qui fait l'erreur, il n'a pas fait l'erreur volontairement, il a fait l'erreur parce qu'il a eu un manque de compréhension ou un manque de connaissance. Et donc c'est pas quelque chose de volontaire qu'il a fait volontairement. C'est une erreur, hein, ou bien c'est un manque qu'il a. Mais il n'a pas jugé de façon injuste ou en suivant ses passions ou en essayant de faire plaisir à quelqu'un ou en mentant. Non, il n'a pas fait ce genre de choses. Il ne s'est pas trompé à cause de ces mauvaises intentions-là ou à cause de ces mauvaises choses-là, comme les gens de Bid'a, par exemple. Non, il s'est trompé ou il a fait une erreur à cause d'un manquement, soit dans sa connaissance ou soit dans sa compréhension, hein, ou des choses de ce genre. Et donc, dans ce cas-là, il est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans les limites de sa capacité. Et c'est ça ce qu'Allah lui ordonne, selon sa capacité. Hein? « La yukallifullahu nafsan » Il la wus'aha. C'est comme le cheikh il le dit. Wala yukallifullahu ma ajiza an ilmihi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le prendre en charge, il ne va pas lui mettre une charge s'il n'a pas pu, par exemple, avoir la connaissance complète de la question, ou bien disons, d'avoir la connaissance de tout ce qui est relié à cette question-là. Il a jugé selon ce qu'il savait. Mais peut-être qu'il y a certaines choses dans les preuves du Coran et de la Sunna qu'il a ignorées ou bien dont il ignorait la compréhension complète. Et donc, à cause de ça, il aurait, par exemple, fait une erreur. Wa ma'a hadha la fala yulzim ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qawlu ghayrihi wa la yulzimu ma ja'a bihi ash-shari'a min shay'in min al-aqwal al-muhdatha. Donc le cheikh il dit donc on ne doit pas imposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole autre que la sienne, et on ne doit pas non plus imputer à la sharia une autre parole qui est nouvelle ou innovée, des positions innovées, en particulier si elles sont laides. Donc ça c'est pour indiquer probablement qu'est-ce qu'il dit ici, c'est pour indiquer comme certaines personnes ils ont la mauvaise compréhension au sujet de la charia par exemple, et il s'imagine que tout ce que les ulama et tout ce que les fuqaha racontent au sujet de la religion, que ça fait partie de la charia, et donc il pense que ça c'est quelque chose qui quand il parle du mot charia, il pense que ça inclut tout ce que les hommes pensent ou tout ce que les hommes ont dit parmi les paroles des ulama et les contradictions et les divergences qui existent entre eux dans les livres de fiqh. Bien entendu, la charia c'est pas ça. La charia d'Allah c'est le Coran et c'est la sunna. D'accord? Et donc, si des ulama ont émis des positions parfois dans des ijtihads qu'ils ont fait ou dans les livres, quand vous lisez par exemple les livres de fiqh qui sont très élaborés, vous allez trouver dans ces livres-là différentes positions et différentes opinions contradictoires parfois chez les ulama, et vous allez voir que certaines parfois de ces opinions-là sont clairement incorrectes. Et on ne doit pas imputer ces positions-là et ces opinions-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à la sharia elle-même. Hein? Parce que ce sont des opinions qui sont contraires à la vérité. Et le cheikh il dit ensuite: وَهُنَا تَنْبِيهٌ مُهِمٌ لَا بُدَّ مِنَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى عَدَمِ مُلَامَةِ وَلَا ذَمِّ مَنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقْ مُطْلَقًا وذلك لأن المسألة التي حكم فيها ليست من مسائل الوحي وإنما هي من مسائل الاجتهاد فليس يستوجب الذم على الخطأ. Le cheikh il donne un petit point ici, il dit qu'il faut faire attention ici à ce point-là à propos d'une certaine erreur que certaines personnes font. C'est que il se base sur ce verset-là parfois pour essayer de faire comprendre aux gens que celui qui se trompe dans une question de religion, dans une question religieuse, il n'est pas à blâmer. Étant donné que, soi-disant, Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset, il n'a pas blâmé aucun des deux, ni Sulayman, ni Daoud, malgré que c'est Sulayman qui avait raison, mais il a glorifié les deux. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'un mujtahid fait un jugement et qu'il a une bonne réponse, il a deux récompenses, mais s'il se trompe, il n'en a qu'une. Certaines personnes utilisent ça comme preuve pour essayer de dire que toute personne qui se trompe dans la religion ou bien qui a une opinion qui est incorrecte, il n'est pas blâmé du tout. Et le cheikh il dit que il faut pas penser que ça c'est que c'est un verdict ou que c'est un principe qui est applicable dans toutes les situations et dans tous les cas, parce que il faut prendre en considération le fait que la question au sujet de laquelle il y a eu une divergence entre Sulayman et Daoud ne faisait pas partie des questions au sujet desquelles il y avait une révélation claire. C'était une question d'ijtihad, c'est-à-dire c'est une question qui demande à la personne de faire d'utiliser son jugement, d'utiliser sa raison et de faire des analogies pour arriver à la compréhension et pour arriver au verdict. Hein, c'était pas une réponse qui était une révélation directe. Et donc, ils ont utilisé leur jugement en faisant des analogies et en observant la situation et en analysant les indices, ainsi de suite, pour essayer d'arriver à la réponse et à la conclusion de cette question-là. Donc, ça, c'est pour faire comprendre que c'est pas toutes les catégories de divergence dans les questions de religion qui sont toutes louables. Hein, il y a certaines personnes qui veulent utiliser ça comme principe et qui disent que peu importe la position qu'un savant va apporter, ça veut dire que s'il a raison, on peut pas même s'il a tort, on peut pas le blâmer. C'est pas dans tous les cas que c'est comme ça. Si c'est des questions qui ont rapport avec des textes clairs et explicites de la révélation du Coran et de la Sunna, dans ce cas-là, bien entendu, celui qui diverge dans ces questions-là, il sera blâmé lui aussi. Et le cheikh, il donne une parole de l'imam, le grand savant, le grand savant, le mufassir, Muhammad al-Amin al-Shanqiti, à ce sujet-là. Il dit dans Adwa al-Bayan, le volume 4, à la page 650, il dit: قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي في الآية قرينتان وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله ففهمناها سليمان وأثنى عليهما في قوله وكلا آتينا حكما وعلما فدل قوله إذ يحكمان على أنهما حكما فيها معا وكلا منهما بحكم مخالف لحكم الآخر ولو كان وحيا لما صاغ الخلاف ثم قال ففهمناها سليمان فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما ترى فقوله إذ يحكمان مع قوله ففهمناها سليمان قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك. Donc ça c'est une parole en fait qui est très claire, alhamdulillah, qui clarifie en fait le point que le cheikh a voulu noter. En fait, c'est que l'imam Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, il dit, dans ces deux versets-là, on peut voir clairement, il y a des indications, il y a des indices qui montrent que le jugement qui a été fait par Daoud et par Suleyman est un jugement qui est fait par Ijtihad et non par la révélation. Et que c'est Suleyman qui a eu raison et qui a mérité donc la glorification et pour son ijtihad et pour le fait qu'il a eu la bonne réponse, tandis que Daoud lui n'a pas eu le bon jugement et le bon verdict, et donc il a uniquement reçu la glorification par rapport à son ijtihad et non pas pour la décision ou le décret qu'il a eu à la fin. Et donc mais il n'a pas eu de blâme. Et pourquoi il n'a pas eu de blâme puisqu'il n'a pas atteint la bonne réponse, il n'a pas été blâmé non plus, puisque c'était basé sur un ijtihad. Et c'est ça l'argument du cheikh en fait. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié Suleyman pour avoir eu le bon verdict. Fafahamnaha Suleyman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous l'avons fait comprendre à Suleyman. Nous en avons donné sa compréhension à Suleyman au sujet de cette question. Et donc ça c'est une glorification pour Suleyman. Et après il dit Afna alayhima, et après Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les deux en disant wa kullan atayna hukman wa ilma, et aux deux nous avons donné le jugement et la science. D'accord? Donc ça prouve que les deux ont jugé, c'est-à-dire tous les deux ont jugé. Donc ça prouve que tous les deux ont fait un jugement. Mais chacun des deux ont ramené un verdict qui est différent de l'autre, contradictoire à l'autre. Le cheikh dit, si c'était basé sur la révélation, il n'aurait pas pu y avoir de divergence entre leurs verdicts. Si leur verdict était basé sur une révélation, les deux devaient rapporter le même verdict. Si c'était basé sur la révélation, les deux devaient ramener le même verdict. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, et nous en avons donné la compréhension uniquement à Suleyman. Donc ça prouve que Daoud, lui, ne l'avait pas compris comme il faut cette question. Il n'avait pas donné le bon jugement. Si c'était un jugement qui était donné par la révélation, les deux l'auraient compris de façon égale, comme on peut le voir clairement. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Idhyahkuman » et lorsqu'il dit « Fafahamnaha Suleyman » il dit « Nous avons fait les deux » et quand Allah dit « Les deux ont jugé » et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous l'avons fait comprendre à Suleyman » ça, ce sont deux indices qui nous montrent que le verdict ici était basé sur une ijtihad et non pas par la révélation, et que Suleyman avait eu raison et non pas Daoud, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la compréhension de ce problème à Suleyman et non pas à Daoud. Donc ça c'est la fin de la citation du cheikh de l'imam Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Donc ça c'est les preuves qui ont été rapportées par le cheikh dans le Coran à ce sujet. Ensuite, le cheikh il mentionne des preuves de la sunna à ce sujet-là. Mais oui, on va en lire quelques preuves qui ont été mentionnées dans la sunna, puis on va s'arrêter à la sunna parce que après il y a les exemples dans les paroles des actions des sahaba par la suite. Mais on n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui. Donc le cheikh il dit « Al-adillatu min as-sunnah » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد تقتل مقاتل تقتل مقاتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى الملك فانظر كيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بقوله لقد حكمت فيهم بحكم الله فدل هذا على أن سعدا لو وافق حكم الله فدل هذا على أن سعدا وافق حكم الله في نفس الأمر وأنه لو حكم بغير هذا الحكم ما وافق حكم الله. Le Cheikh explique comme premier exemple dans la Sunna le hadith qui est rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui est rapporté dans Al-Bukhari le hadith 4121 et dans Sahih Muslim le hadith 1768 que le prophète a dit que Bani Qurayza c'était une des tribus juives hein, qui vivait à Médine. Bani Qurayza ils ont donné des problèmes aux musulmans à l'époque, ils ont fait des problèmes au prophète et aux musulmans et il y a eu comme des problèmes entre eux, donc il y a eu une guerre entre eux et à la fin ils ont perdu la guerre. Donc, il y a eu comme punition, lorsque la guerre a été finie, les musulmans ont remporté. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux juifs, qu'est-ce que vous voulez comme sentence, de qui vous voulez la sentence en réalité. Et les juifs, ils ont dit, on veut que ce soit Sa'd ibn Mu'ad qui juge parmi nous, hein, qui juge par rapport à notre sort. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Sa'd ibn Mu'adh qui était un des chefs de son peuple à l'époque. Alors, il est venu sur un âne et probablement que les juifs ont demandé Sa'd ibn Mu'adh peut-être parce qu'ils s'imaginaient qu'il allait juger en leur faveur. Mais il s'est approché de la mosquée et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar, levez-vous pour votre chef. Levez-vous pour votre chef. Et c'était pour montrer du respect à Sa'd. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd, ces gens-là, c'est-à-dire les juifs, ils ont demandé que tu juges à leur sujet, que ce soit toi qui juge à leur sujet, ils ont demandé ton jugement à toi. Alors Sa'd a dit, donc tous ceux qui étaient parmi eux des combattants, ils doivent être tués. Et leurs enfants doivent être pris en esclaves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après ça, tu as jugé certes selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh Hamad ibn Uthman, Hamad ibn Ibrahim al-Uthman, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié Sa'd et il a dit tu as certes jugé par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire que le jugement de Sa'd correspondait en fait au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, et que si Sa'd aurait donné un autre verdict, eh bien, il n'aurait pas été en accord avec le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour dire que la vérité, c'est une seule vérité. C'est ça l'argument dans cette parole-là. Après, le cheikh, il mentionne un autre hadith, qui est un hadith rapporté selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. C'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith-là, il est très connu, hein, on l'a mentionné déjà. C'est, ça dit que lorsque le juge fait un jugement et qu'il a une bonne réponse dans son ijtihad, hein, après avoir fait son effort, il a une bonne réponse, il a deux récompenses. Toutefois, s'il se trompe dans son jugement, il n'aura qu'une seule récompense au lieu de deux. Et ça, c'est un hadith. Le Cheikh dit هذا الحديث صريح في أن الحق في جهة واحدة والتصريح بتخطئة القول المخالف. Le Cheikh dit que ça c'est rapporté. Il dit que ce hadith-là, il est clair que c'est-à-dire il est clair et il indique que la vérité c'est une seule vérité et que la personne qui contredit cette vérité-là, eh bien, il est dans l'erreur. Même si, c'est pour dire en fait que même si le mujtahid, il est excusé dans son erreur et qu'il ne fait pas un péché quand il fait une erreur, ça veut pas dire qu'il a raison. Ça veut pas dire que son opinion est correcte et bonne et qu'on a le droit de la suivre. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parfois, ils s'imaginent que si le mujtahid a fait une erreur, et qu'il est récompensé malgré son erreur, il pense que ça implique qu'il a le droit de diverger, ou bien qu'il est correct quand même dans son que sa position est correcte aussi. Et non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, même s'il est récompensé, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il a tort, même si il est récompensé. Hein? Il y a un qui a raison et un qui a tort. Celui qui a raison, il a deux récompenses. Celui qui a pas raison, il n'en a qu'une. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de suivre sa position, même si il a une seule récompense. Même s'il a une récompense, ça ne veut pas dire que lui, si lui il est excusé, ça ne veut pas dire que nous de notre côté nous sommes excusés de le suivre si nous savons qu'il s'est trompé. D'accord? Ça c'est de le deuxième point. Le troisième hadith qui est mentionné, c'est un hadith qui il dit wa fi hadith Sulayman ibn Burayda an abihi anna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala idha hasarta ahla al-yam ahla hisn fa'araduka an tunzilahum ala hukm Allah fala tunzilhum ala hukm Allah walakin anzilhum ala hukmik فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. للشيخ الزي وهذا واضح من أوضح الأدلة على أن حكم الله في نفس الأمر واحد وقد يصيبه العبد أو يخطئه ووجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في ذلك الوقت لأن الأحكام الشرعية إذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضا. Ça c'est un point important. Donc le Cheikh il dit, il y a également un hadith qui est rapporté selon Sulayman ibn Burayda an abihi, selon son père. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque tu assièges les gens qui sont dans une forteresse, hein, une ville qui est entourée d'une forteresse ou d'une muraille, et qu'ils acceptent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent ok, on accepte le jugement d'Allah. Tu leur dis non, je ne juge pas parmi vous selon le jugement d'Allah, mais je juge selon mon jugement à moi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car tu ne sais pas, est-ce que tu vas être en accord avec le jugement d'Allah à leur sujet ou non. Donc tu dis pas au sujet de ce jugement là que c'est le jugement d'Allah, mais tu dis que c'est ton jugement à toi, parce que tu ne sais pas est-ce que tu vas atteindre le jugement d'Allah à leur sujet ou non. Et le Cheikh il dit ça, c'est une des preuves les plus claires qui montre que le verdict d'Allah n'est qu'un seul verdict, et que quelqu'un peut l'atteindre et quelqu'un peut se tromper. Quand un musulman, un individu peut atteindre le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la question, et il peut également se tromper. Et donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là, il a dit ne jugez pas, ou ne dites pas que vous jugez selon le verdict ou le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que à cette époque-là, en particulier, les règles de la charia étaient encore en train de descendre. C'est-à-dire, il y avait encore une révélation, et la révélation n'était pas complétée encore. Et il pouvait encore y avoir des abrogations ou des choses de ce genre. Donc il fallait pas dire le jugement d'Allah, mais il fallait dire son jugement à lui ou à cette personne. Donc ça, c'est pour dire que actuellement, aujourd'hui, la révélation, elle est terminée, elle est complétée. Et donc quelqu'un aujourd'hui, il peut savoir le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pour répondre à ceux qui essaient de toujours, essaient d'interpréter la révélation toujours par rapport à un contexte historique. Hein, ils essaient de dire que, ah, mais il faut pas comprendre, il faut pas appliquer les versets qui sont révélés dans le Coran aujourd'hui. Parce qu'ils essaient de prétendre que ces versets-là sont appliqués au sujet de certains individus en particulier, et que donc c'était uniquement valable pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas aujourd'hui. Et ça, c'est une mauvaise compréhension, parce que les textes et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'appliquent à toutes les époques, et on regarde donc non pas les questions, par exemple, on regarde pas pour qui ce verset-là a été révélé, et au sujet de qui, et au sujet de quoi en particulier seulement, mais on regarde le sens de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'applique, peu importe, selon la signification, on l'applique dans le contexte qui entre qui est en commun avec le contexte dans lequel le verset avait été révélé, et au sujet de sa signification. Donc par exemple, si un verset avait été révélé au sujet des juifs et des chrétiens, ou à propos des mouchriquins, ou à propos des sahaba, eh ben ça veut pas dire que ce verset-là se limite uniquement aux juifs et aux chrétiens, ou aux mouchriquins, ou aux sahaba, ou ainsi de suite. Mais ça veut dire que il faut regarder la signification du verset et l'appliquer à tous ceux à qui ce verset-là s'applique dans sa signification. Hein, parce que bien entendu, si quelqu'un fait la même chose qui est attribuée aux juifs et aux chrétiens, et qu'il n'est pas chrétien ou juif lui-même, mais ça ne veut pas dire qu'il est exclu du verset parce qu'il n'est pas juif ou parce qu'il n'est pas chrétien. Hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala blâme les gens du livre pour leur mécréance, ben ça ne veut pas dire que si toi tu ne fais pas partie des gens du livre, que si tu fais la mécréance, tu ne seras pas blâmé. Toute personne qui rentre dans la description, il entre dans le blâme. Hein? Peu importe qu'il soit qu'il soit des gens du livre ou non, ou parmi les mouchriquins ou non. Donc ça, c'est ceux qui veulent essayer de limiter la compréhension du Coran à une époque ou à un contexte historique. Ça, c'est des gens qui veulent en fait annuler la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il veut ramener le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut la ramener au même niveau que un roman qui serait écrit par un être humain, hein? Comme si par exemple c'était la parole de quelqu'un qui émettait son opinion à propos de quelque chose à une certaine, comme un peu comme un livre qu'un historien écrit, hein? Ou un livre de loi, comme les koufars, ils font des lois aujourd'hui. Ils disent, ah, mais ça s'appliquait à cette époque-là, mais ça s'applique plus aujourd'hui. Mais la parole d'Allah, elle n'est pas comparable à la parole des créatures. Elle s'applique à toutes les époques et à tous les lieux, peu importe. Et, bien entendu, c'est les savants qui savent comment appliquer ces versets-là selon le contexte et l'époque et l'endroit et le lieu et ainsi de suite. Parce qu'il y a des règles à connaître pour faire en sorte que ces règles-là et ces versets-là soient applicables. Et si quelqu'un n'a pas étudié la charia et les fondements de l'islam, il ne sera pas capable de le faire correctement et il va tomber dans des erreurs. Et c'est ça que c'est dans ces erreurs-là que beaucoup de gens de bid'a sont tombés justement, parce qu'ils essaient d'appliquer certains versets dans des contextes différents sans savoir les règles qui s'appliquent. Et donc, ils appliquent certains versets sur le djihad, par exemple. Ils l'appliquent aujourd'hui, mais d'une façon incorrecte. Et donc, ils tombent dans des formes d'extrémisme, dans des formes de takfir, dans des formes de terrorisme et des choses de ce genre. Puis, ils essaient d'appliquer des versets à tort et à travers, sans connaître les principes et les règles que les salafs ont suivis pour les appliquer. Et c'est pour ça qu'on rejette ce genre d'interprétation ou de compréhension qui est faite par ces gens-là. Donc c'est pas toutes les interprétations et toutes les positions ou les façons de comprendre le Coran qui sont valables, hein, comme les modernistes par exemple qui interprètent l'islam selon leur passion et qui veulent interpréter l'islam selon les valeurs des kuffars. Non, ça aussi c'est un autre extrême. Donc nous on retourne au fondement de la charia et au fondement du fiqh et des règles de la charia, puis on comprend la révélation, ou les ulama comprennent la révélation par ces principes-là. Nous on va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui, parce que je veux pas être trop long. Non, il reste juste deux hadiths, donc on peut terminer ces deux hadiths-là, puis on arrête, inshallah. Le Cheikh il dit, وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ إِلَى 73 فِرْقَةٍ وَجَعَلَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَاحِدَةً. قال الشاطبي, إن قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف, إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة. Donc le cheikh il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa umma va se diviser en 73 sectes, et que il a fait que le groupe qui sera sauvé parmi ces 73 sectes là, c'est uniquement un seul groupe, d'accord. Et donc l'imam al-Shatibi il dit à ce sujet-là, dans son livre Al-I'tisam, que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté une qui sera sauvée, ça implique que la vérité est unique et qu'il n'y a pas de divergence au sujet de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle est unique, et que ceux qui sont sur la vérité, ils ne divergent pas entre eux. Sinon, s'il y avait des sectes à l'intérieur de la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit excepté une. Donc ça c'est très important à comprendre, malgré que beaucoup de musulmans aujourd'hui ils ne le comprennent pas, et ils pensent que le fait de nier les sectes le fait de nier les sectes, ça va faire en sorte que ça va nier la divergence, ou ils pensent que le fait de nier ce hadith, ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus de divergence ou plus de sectes. Et ça c'est une erreur, puisque les sectes sont là, c'est une réalité, elles sont pas apparues aujourd'hui, elles existent depuis longtemps, et donc ça veut dire qu'il y a de la divergence, et pour régler cette divergence là, eh ben c'est pas de nier la divergence qu'il faut, mais plutôt de revenir à la vérité et d'accepter la vérité si on veut être sur la vérité et cesser les divergences. الشيخ يلزي أنسويت وفي قصة المرأتين معهما ابناهما لما جاء الذئب وذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك, وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك, فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى, فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرته فقال آتوني بالسكين أشقه بينهما, فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها, فقضى به للصغرى. قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث فيه أن الحق فيه جهة واحدة. Le cheikh il rapporte cette histoire qui est rapportée dans Sahih al-Bukhari. Ces deux femmes qui avaient un fils, et un loup est venu, il a amené un des deux, il a mangé un des deux. Alors l'une des femmes a dit à l'autre, le loup a pris ton fils à toi, et l'autre a dit non, c'était ton fils que le loup a pris. Alors ils sont allés voir Daoud alayhi salam, et Daoud a jugé que la plus grande des femmes, la plus grande des deux, ou la plus vieille des deux, c'était elle qui devait avoir l'enfant. Et elles sont toutes les deux sorties pour aller voir Suleyman, le fils de Daoud, et pour lui demander de juger entre elles. Et Suleyman a dit, donnez-moi un couteau, je vais le couper en deux. Je vais le couper le bébé qui reste en deux. Et je vais vous donner à chacune de vous une des deux parties. Comme ça, vous allez toutes les deux être contentes. Et la petite a dit à la grande, ou la plus jeune a dit à la plus vieille, que Allah te fasse miséricorde, ne le coupe pas en deux. C'est son fils à elle. Donne-lui l'enfant. Et donc, Suleyman a jugé que l'enfant était pour la petite. Parce que elle avait eu la miséricorde pour l'enfant et elle a accepté de le donner pourvu que l'enfant ne soit pas coupé en deux. Et donc, Al-Hafidh ibn Hajar, il dit à ce sujet-là dans Fath al-Bari, le volume 6 à la page 465, il y a ici la preuve que la vérité n'est uniquement que d'une seule vérité. C'est-à-dire il y a uniquement une seule vérité dans une position. Donc ça c'est l'explication qui a été donnée au sujet des hadiths qui parlent de cette question-là pour montrer que la vérité lorsqu'il y a une divergence et que la divergence implique une contradiction, que la vérité à son sujet elle est unique, elle est un. Ça c'est les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Et il faut bien se rappeler qu'il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là. Le Cheikh n'a fait que mentionner quelques-unes des preuves qui sont mentionnées dans les textes. Maintenant, demain, Inch'Allah, on va continuer avec les exemples dans les actions des Sahaba qui indiquent qu'eux aussi ont considéré que la vérité, lorsqu'il y a des contradictions, la vérité n'est qu'une, hein, une chose unique. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à demain, Inch'Allah.